Chapitre 6e. Une lourde voiture à deux chevaux s'était arrêtée à la porte. Il n'y eut qu'un coup solennel frappé par le marteau de la porte. Un instant après, la porte du salon s'ouvrait et le valet de pied introduisait le célèbre médecin. C'était un petit homme, rasé de près, habillé de noir à l'ancienne mode, cravate blanche sur un col montant. En marchant, il balançait son pince-nez d'or de la main droite. Il était penché en avant, avec un clignotement suggestif des cas compliqués et attristants qu'il venait de soigner. « Ah ! » dit-il en entrant, « ma jeune malade. Je suis enchanté de l'occasion. Oui, je désire vous parler à son sujet, Sir William. Prenez ce fauteuil, je vous en prie. Merci, je vais m'asseoir auprès d'elle, » dit-il en prenant place sur le canapé. « Elle a meilleure mine. Moins d'anémie, incontestablement. Le pouls plus plein. De légère couleur et cependant pas pectique. Je me sens plus forte, Sir William. Mais elle a toujours cette douleur de côté. Ah, cette douleur !» Il frappa légèrement sur l'omoplate, puis se pencha en avant avec son stéthoscope dans chaque oreille. « Encore un peu de faiblesse, un léger crépitement, » murmura-t-il. « Vous avez parlé d'un changement d'air, docteur ?»« Oui, certainement. Un changement d'air judicieux serait recommandable. »« Vous avez parlé d'un climat sec. Je veux suivre à la lettre ce que vous recommanderez. » « Vous avez toujours été le modèle des malades. »« Nous voulons l'être. Vous avez dit un climat sec. » »« L'ai-je dit ? » ?»« J'oublie un peu les détails de notre conversation. » »« Mais un climat sec est certainement indiqué. » »« Lequel ? » ?»« Eh bien, franchement, je pense qu'il faut laisser aux malades quelque latitude. »« Je ne veux pas exercer une discipline trop rigoureuse. »« Il y a place pour le choix individuel, l'Engadine, l'Europe centrale, l'Égypte, Alger, ce que vous préférerez. » « J'ai entendu dire que Tanger est aussi recommandé. »« Oui, certainement, c'est très sec. »« Vous entendez, Ida ? Sir William dit que vous devez aller à Tanger. » »« Ou à quelque... »« Non, non, Sir William, nous nous sentons d'autant plus en sûreté que nous sommes plus obéissants. »« Vous avez dit Tanger, nous essaierons certainement Tanger. » »« Vraiment, Lady Charles, votre foi est des plus flatteuses. »« Ce n'est pas tout le monde qui sacrifierait volontiers ses propres projets et ses goûts. » « Nous connaissons votre habileté et votre expérience, Sir William. Ida essaiera Tanger. Je suis convaincu qu'elle s'en trouvera bien. Je n'en doute pas. » « Mais vous connaissez Lord Charles. Il est assez porté à décider des questions médicales comme il décide des affaires de l'État. J'espère que vous vous montrerez ferme avec lui. » « Du moment que Lord Charles m'honore jusqu'à me demander mon avis, je suis certain qu'il ne me placerait pas dans cette fausse position de voir dédaigner cet avis. » Le médecin baronnet fit tourner le cordon de son pince-nez et avança la main en signe de protestation. Non, non, mais il faut être ferme sur la question de Tanger. M'étant formé cette opinion que Tanger est le meilleur endroit pour notre jeune malade, je ne changerai pas volontiers. Certainement non. J'en parlerai alors, Charles, tout à l'heure, quand je monterai chez lui. Je vous en prie. En attendant, il faut qu'elle continue son traitement. J'ai confiance que l'air chaud d'Afrique nous la renverra dans quelques mois avec toutes ses forces rétablies. » Il s'inclina de cette façon courtoise, charmante d'autrefois, qui avait tant contribué à lui assurer un revenu de 10 000 livres à l'année, et de ce pas précautionneux de l'homme dont la vie se passe dans les chambres des malades, il suivit le domestique.